بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم سنخوض درسنا الرابع من هذه المسائل. اليوم pour le quatrième درس de ces questions autour de زكاة الفطر. يقول المصنف حفظه الله تعالى: تجب النية عند إخراج زكاة الفطر. Il est obligatoire d'avoir une niya, de mettre l'intention au moment où on sort zakat al-fitr. Et la plupart des savants sont de l'avis que cela n'est pas valable sans intention. Comme a dit Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahu ad-din. Selon la parole d'Allah Azawajal, dans le sens où il dit, et cependant il leur était seulement ordonné de vouer un culte exclusif à Allah, c'est-à-dire de mettre la niya pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fameux hadith qui est une règle fondamentale, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, que les actes ne valent que par les intentions. Donc c'est la base dans les adorations qu'il faille mettre l'intention. Certains savants ne l'ont pas mis comme condition, mais leur avis est considéré comme étant marginal. Non. Donc ça veut dire quand tu sors zakat al-fitr, tu mets une niya que cela soit zakat al-fitr. Quand tu la sors pour autrui, de l'argent d'autrui, comme on l'expliquait par exemple quelqu'un qui a de l'argent et qui ne peut pas le faire lui-même, un orphelin ou un fou ou autre, il sort de son argent avec la niya de zakat al-fitr. Sans quoi elle peut devenir sans niya une sadaqa, une commune quelconque. Yaqul kam al-qadar alladhi yukhrijuhu min fi zakat al-fitr an kulli fardin. Donc maintenant c'est quoi la dose, la quantité que l'on doit sortir de zakat al-fitr pour chaque individu. Yaqul al-qawl al-awwal yajibu fi sadaqat al-fitr as-sa' an kulli insan min ay jinsin سواء البر وغيره لا يجزى أقل من ذلك. Donc le premier avis, c'est qu'il faut sortir dans cette zakat un sa'. On va expliquer c'est quoi un sa', inshallah. Pour chaque personne, un sa' de toute catégorie de denrées alimentaires, parmi celles qui sont valables, en dehors du bur. Le bur, c'est le blé en grain. Lui, il y a une masala khilafiya qui dit que lorsqu'on sort zakat al-fitr avec du bur, c'est un demi-sa. C'est un demi-sa. Le reste, c'est un sa entier. Et Afwan. Non, je relis. Non, Afwan. Ça, c'est le deuxième avis. Premier avis, c'est même le bourre. C'est-à-dire, toute denrée alimentaire que l'on sort pour la zakat, on en sort un sa entier. Que ce soit du bourre ou autre que du bourre. D'accord? Non. Donc, ça, le premier avis. Tout ce qu'on sort en nourriture, sa quantité, c'est un sa. Et le dalil, c'est le hadith de Ibn Omar, radiallahu anhu, qu'on a déjà pris au début. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, selon Ibn Omar, a ordonné de sortir زكاة الفطر une quantité d'un صاع de dattes ou un صاع d'orge pour chaque personne libre ou esclave, homme ou femme parmi les musulmans. متفقون عليه. يعني حديث ده أبو سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. Il disait Abu Sa'id que à l'époque du Nabi صلى الله عليه وسلم on sortait cette zakat en un sa de nourriture ou un sa de dattes ou un sa d'orge ou un sa de raisin sec. Et également muttafaqun alayh. Donc ça c'est le premier avis. Deuxième avis, yujza nisf sa' min al-burr khassatan wa ma 'adahu la yujza illa sa'. Donc deuxième avis, c'est ce que j'avais lu en premier, je me trompais. En fait, c'est que cela n'est valable pour le blé, il n'est valable de ne sortir que un demi sa' et tout le reste c'est un sa' entier. D'accord. Toute variété de nourriture, c'est un sa' hormis le blé. Le blé, ce qui est valable, c'est un demi sa', la moitié. Et ça c'est une chose qui a été apportée de Abu Bakr et de Uthman, de Ali, de Ibn Mas'ud, de Jabir ibn Abdullah et Ibn Zubayr et Abu Huraira et d'autres. Cependant, les ulama voient que ce qui a été rapporté de Abu Bakr et de Uthman n'est pas authentique. Donc c'est une masala sur laquelle il y a un grand khilaf et que beaucoup de savants voient que lorsqu'on sort du blé, on sort un demi-sa' et non pas un sa' entier. D'ailleurs, c'est également l'avis de Sheikh Al-Albani. Et cela se basant sur des actes de Sahaba. Sur les actes de Sahaba. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela, il n'y a aucune preuve remontant à lui sur cette précision. sur ce détail. Et il dit Ibn Munzir, ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا شيء يسير منه. فلما كثر في زمن الصحابة راه أن نصف الصاع منه يكون مقام صاع من شعير. Il dit que à l'époque du Nabi صلى الله عليه وسلم, le blé n'était pas une chose qui était répandue, mais pas beaucoup. Et par la suite, hein, il s'est répandu, il a été, il a augmenté par la suite à l'époque des Sahaba. Et de là, ils ont vu que un demi sa de blé équivalait à un sa d'autres nourritures entières. Donc en fait, c'est basé sur des actes de Sahaba. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui va sortir un sa de blé. Et on verra par la suite, si une personne elle a un doute, cela va arriver par la suite comme à Salah, qu'il est permis de sortir plus que la dose prescrite. Cela est valable quand même. Donc si la personne a doute, elle dit, je donne un sort entier de bourg quand même. Comme ça, si jamais il y a un khilaf, au moins je sors du khilaf et je donne la dose de base. Non. Donc maintenant, il dit, « Kam mikdar as-sar wal-mud ». Donc maintenant, c'est quoi justement cette quantité? C'est quoi un sort et c'est quoi un mud? Il faut savoir que le sort, c'est une mesure et ce n'est pas un poids. D'accord? Par exemple, quand je te dis, je te donne un sac de riz, c'est une mesure, ce n'est pas un poids. Si je te dis, je te verse un seau d'eau, c'est une mesure et ce n'est pas un poids. Par contre, je te dis, je te donne 10 kilos de riz, ça c'est un poids. Je te donne 10 litres d'eau, ça c'est un poids. D'accord? Donc, selon les coutumes, auparavant, à leur époque, il n'y avait pas le poids, il n'y avait pas les kilos. Ils ne pesaient pas les choses comme, de façon générale, ce qui était répandu, c'était le makay, les mesures. Le poids peut-être existait, mais ce qui était répandu, c'était énorme, c'était la mesure. Car le poids varie d'une nourriture à une autre. Donc c'est quoi un sor? Un sor, c'est 4 modoud. Modoud, c'est le diamètre de moud. Plutôt amded. Non. Et un med, d'accord? Un med, c'est quoi? C'est lorsque tu fais une puisée avec tes deux mains ensemble. Une puisée avec tes deux mains ensemble. Tout le contenu de cette puisée, ça s'appelle un moud. Et un sor, c'est 4 fois cela. 4 amded. 4 puisées de deux mains d'un homme de taille et de corpulence moyenne. Et les ulama disent qu'un sort, c'est un sort tel que l'aurait fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses mains à lui. Et à savoir qu'il y avait une baraka dans ses mains à lui, dans son sort à lui. Et donc sa quantité est un peu plus importante que celle que ferait n'importe quel autre homme en dehors de lui. Donc les ulama précisent qu'un sort, il faut que ce soit un sort nabawi, prophétique, tel que aurait été celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de savants sont de cet avis-là. Et d'autres disent que c'est un sort des mains d'un homme normal, quel qu'il soit. Donc après, maintenant, on sait qu'en une époque, c'est une chose qui n'est plus répandue dans les pays développés, le sort. On le trouve encore dans les pays musulmans. Ça existe encore. Par exemple, ici au Yémen, tu vas trouver un sort. Et ainsi de suite. Et il y a des gens, par exemple, comme des femmes, qui voudraient sortir sa zakat al-fitr d'elles-mêmes. Comment elles font pour avoir un sort? Elles n'ont pas les mains d'un homme. Donc de là, elles peuvent peser. Elles demandent à un homme à combien équivaut un sort depuis leurs mains, et de là, elles font un équivalent. Par exemple, il dit, moi j'ai fait un sort de riz, ça donne tel poids. Donc de là, elle sait que par ce poids-là, elle aura également un sort. Car avec sa main, elle ne pourra pas le faire. Donc c'est ça, un sort, c'est 4 amded, c'est-à-dire 4 puisées. D'accord? C'est très facile à faire. Tu joins tes deux mains ensemble et tu prends dans la nourriture du riz, la farine ou le raisin et tu le sors 4 fois. D'accord? 4 fois. Et il y a cet avis qui demande d'être plus précis que cela puisse équivaloir au sort qu'aurait fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est son poids exact aujourd'hui, à cette époque? Taïb. Fa'alyum, sanaktafi bihada, inshallah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik. لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك.